Inside Records, Darkness 2013, mars. Rien ne me résonne, les pertes s'additionnent. Je reviens des morts comme Jason. Le style obscur qui résonne, le style obtus, tout part en vrille comme une chorale qui détonne. J'ai le moral qui se bétonne, j'ai des tonnes de désirs mais pas de sérum. Comme le penseur, je peux rester des heures au calme. Vouloir percer, c'est comme attendre un ascenseur en panne. On a tous un passager noir, une part des ténèbres, une part qui se révèle, un introverti peu célèbre. C'est celui qui a fait le MC que je suis ici. Si je marche dans la merde, j'aimerais bien qu'on m'essuie. Mais il m'enfoncerait jusqu'au cou en prenant du plaisir. Je traîne qu'avec des gens droits, des bons pensants qui déchirent. J'ouvre mon esprit, vois que le monde est ainsi fait. Toujours incité vers le mal et jeune des cités. Trop d'MC glorifient la haine, la connerie humaine. C'est instoppable comme la prostitution en Ukraine. Je m'en méfierai toujours, tout comme ces putes du FN. Petit, n'écoute pas, l'arrivée c'est la mort ou une peine. C'est ton sort, tu traînes, tu peux réaliser toutes sortes de scènes. Pour éviter que les portes se ferment ou que les portes prennent. C'était pas dans nos vies, ton pas réagit. Si tu la ramènes, c'est le temps phare qui agit. Le contact est rompu, que des corrompus ridés. Promu un avenir incertain, la jeunesse est à nous de la guider. Bienvenue dans les ténèbres, ressent la puissance du cyclone. À chaque rue dans ces coins-là, où c'est la merde qui s'y colle. Dans un monde où les flics ton allée comme un cyclope, pétasse et carte à chatte, on vient cracher sur ton nid de cigogne. Nous enlever l'entrape, ça serait comme enlever une chaise roulante à un million pattes. On fait de la prévention vu qu'il n'y a plus de sécurité de partout. Y'a que des psychopathes, l'État veulent nous la mettre et ne veulent pas qu'on se débatte. Mais un chat retombe toujours sur ses pattes, comme une pute retombe toujours sur sa chatte. Dehors les toxicos rôdent, affamés devant de l'héros, font des baves d'escargot. Ici n'essaye pas d'arnaquer un mafieux, ou tu verras que du noir comme un clin d'eau dans un cargo. Dans les cités, ça braque, défonce des guichets au tracto. Belle et ça finit au pire, avec une course poursuite. Tire au cours tout de suite, pire avec un taser, les flics de court-circuit. En sortir, on y a cru, mais aujourd'hui les carottes sont toutes cuites. Les pauvres se multiplient et les riches prennent tous la fuite. C'est l'enfer, voilà pourquoi on a le sang chaud, jusqu'à en avoir des sueurs froides. Donne-nous un facho et tu verras que la vengeance est un plat qui se mange dans une chambre froide. C'est le bordel, même la gauche n'est pas droite. Tous les politiciens se doivent, et le gouvernement et nos idées ne sont jamais adéquates. On terminera ton travail sur une chaise. Darkness est de chirurgien dentiste qui t'attaque à la fraise. Si tu nous testes, on te baisse. Ne rallume pas la presse ou tu brûleras dans la fournaise. On terminera ton travail sur une chaise. Darkness est de chirurgien dentiste qui t'attaque à la fraise. Si tu nous testes, on te baisse. Ne rallume pas la presse ou tu brûleras dans la fournaise. On terminera ton travail sur une chaise. Darkness est de chirurgien dentiste qui t'attaque à la fraise. Si tu nous testes, on te baisse. Ne rallume pas la presse ou tu brûleras dans la fournaise.